Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus lourd de l'eau. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, ouais ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Apprends-moi la main, toi, mon petit Pékin. Oh oui, viens avec moi. Apprendre, ce ne vaut pas. Salut, c'est Eric, bienvenue sur RIG, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. RIG 90.7 sur Bordeaux et sur le www.rigfm.fr si, évidemment, vous êtes ailleurs, partout, all over the world. Ce soir, émission spéciale Johnny Hallyday, nous avons avec nous Jean-François Chenu. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Comment vas-tu ? Eh ben, ça va bien depuis qu'on s'est vu. beaucoup de travail, beaucoup de choses, mais on l'avait dit la dernière fois, et donc les fans de Johnny, on va avoir une fin d'année chargée. Chargée. On rappelle Jean-François, hein, il a fait un ouvrage, hein, son dernier ouvrage s'intitule Johnny 60 ans de scène et de passion chez Flammarion. C'est effectivement le dernier, mais presque l'avant-dernier, puisque il y a un petit livre qui va sortir le 5 décembre. Il s'appelle Le petit livre de Johnny, c'est assez marrant, c'est une collection aux éditions First, qui est vendu 2,99€ le J'ai livre, vu ça. Tu vois. Donc on ne va pas faire fortune c'est avec. C'est le petit livre de poche. Voilà. Mais en fait, oui, ils ont une collection sur beaucoup de thèmes comme ça, le petit livre, et ils m'ont demandé si je voulais bien écrire Le petit livre de Johnny. Donc je leur ai dit, écoutez, pourquoi pas, mais j'ai mis une condition, si vous voulez que je vous raconte l'histoire des maîtresses et des femmes de Johnny, vous demandez, c'est pas moi, hein, moi, comptez ouais. pas sur moi. Si vous voulez qu'on parle de Johnny l'artiste, il n'y a pas de problème. Alors ils m'ont dit, non, ça nous va très bien. Alors j'aurais proposé un concept, qui est l'idée, Johnny est né sur scène et mort sur scène. Alors c'est un petit peu romancé, mais on n'est pas loin de la vérité quand même. Mm-hmm. Très tôt, il a connu la scène et ses derniers concerts, c'était malheureusement peu de temps avant qu'il nous quitte. Et donc je le raconte uniquement à travers les scènes de sa vie, toutes ses scènes et ses tournées aussi, ce qui permet de parler aussi des chansons et des albums, et on ne parle que de ça. La difficulté, l'exercice est difficile, c'était d'être synthétique, parce que j'avais un nombre de signes limité, et écoute, je crois que je ne suis pas trop mal arrivé. Moi, personnellement, je suis content du résultat. Quelqu'un qui, pour 2,99€, veut connaître toute la carrière artistique de Johnny, avec ce livre, aura quand même beaucoup de références. Il ne va pas se ruiner. Non, il ne va pas se ruiner. Avec tout ce qui tombe, c'est pas ça qui va grever le budget. Et ça sera donc en vente le 5 décembre. Très bien. On en reparlera tout à l'heure. Si tu veux. On en reparlera plus tard. Je t'ai envoyé la couverture. Exactement. Voilà. Super. Ben, on la mettra, si tu l'autorises, on le mettra sur Facebook. T'es autorisé. Super. Et tu es toujours co-animateur des podcasts Podcast 51. Ça, c'est une aventure formidable, oui, avec Francis, qui est le producteur. Avec Francis Chaillé. Hein, Francis Chaillé, ouais. Et on s'amuse beaucoup. On prend vraiment un plaisir fou. Chaque fois de se replonger dans l'histoire d'un album de Johnny, il y a de plus en plus d'auditeurs. Ça, c'est très sympa. Enfin, de gens qui nous écoutent sur différents canaux. On a d'excellents retours. On s'amuse beaucoup. On passe d'une époque à une autre, d'un album à un autre. Alors, il y a des albums qui ont des durées de vie très courtes, où finalement il n'y a pas 50 000 trucs à dire, et donc on essaye de raconter des histoires autour. Puis il y a des albums où il y a une vraie matière, et le prochain podcast va être, pour moi c'est un des meilleurs, un des plus importants, je pense qu'il va probablement durer pas loin d'une heure, c'est Insolitude, c'est mon album préféré, c'est pour moi peut-être le meilleur disque de Johnny Hallyday, en dehors du Corbeau Blanc, mais bon, j'en parle, mais voilà, donc on s'est beaucoup amusé, et puis donc voilà, on va continuer encore puisqu'on va faire tous les albums. On va peut-être faire une spéciale pour le 25e. On fera peut-être un live, on fera peut-être le Parc des Princes 93 parce qu'il n'y a pas d'album lié au Parc des Princes 93. Oui. Donc on s'est dit que ça valait peut-être le coup d'en parler. Voilà, donc c'est donc tous les 15 jours, en général vers 13h, 14h, c'est mis sur les différentes sources où on peut entendre, Twitter. Ah ouais, ils sont nombreux, hein, c'est voilà. Bien. Il a un bon réseau de communication. Il se débrouille très très bien. C'est très bien débrouillé. Et on enregistre chez lui, dans son appartement, rue de la Boétie à Paris, et c'est vraiment sympa. On passe vraiment un moment très agréable. Et dis-moi un peu, quand vous arriverez au bout de ces 51 albums studio, qu'est-ce que vous ferez ? Les lives ou pas ? Bah écoute, les lives, on en a parlé, on en parle assez régulièrement dans les albums. Donc chez le Parc des Princes, oui, parce qu'il n'y a pas d'album autour du Parc des Princes. Mmh. Les autres lives, je sais pas. Honnêtement, on va déjà aller au bout des 51 et puis on verra. Parce que vous êtes déjà à la 20e émission, 20e épisode. Oui, ça avance vite. Enfin, bon, comme c'est tous les 15 jours, on a encore devant nous un petit peu de marge. Hein, donc, et puis 51, il n'y en a plus 51, puisqu'il y en a un qui va sortir après-demain, un album. Vous le comptez dedans, vous le compterez, ouais. Ouais, je sais pas. On peut toujours raconter quelque chose dessus. On peut toujours en parler. On a pas du tout évoqué ça entre nous, mais ça peut le faire. Comme il y a les Vieilles Canailles qui vont sortir le 8 novembre. Pourquoi pas rappeler faire quelque chose. Honnêtement, je sais pas du tout. Pour le moment, on fait nos 51 albums. Voilà. C'est Francis qui va décider en quelque sorte. Oui, c'est lui qui allait. Moi, je me plie à ses souhaits, à ses désirs. Mais on s'entend très très bien et vraiment, c'est des super moments. Magnifique. Je suis surtout là en tant que fan, amateur, à l'écoute de tout ce qui se fait. Je suis Johnny depuis 1969, vraiment, donc, et je continue. Si c'est pour parler de Johnny, de l'artiste, du chanteur, des disques, aucun problème, c'est toujours avec plaisir. C'est ce qu'on fait au cours de cette émission Johnny de A à Z. Voilà, alors on va sortir un petit peu de l'habitude. Bien sûr. On se faisait plaisir avec un Johnny très blues, rock, country, enfin la musique, toute la musique qu'on aime, parce que l'actualité est un peu différente et on va aborder différents thèmes avec des sorties qui arrivent là, entre vendredi et puis Noël. Je voudrais d'abord qu'on rappelle, juste puisque je l'avais dit, il y a plusieurs produits qui étaient en réflexion et en conception pour cette année. Et le premier, finalement, ça a été en septembre la sortie d'un vinyle sur Que je t'aime. Que je t'aime qui a 50 ans, la chanson a 50 ans. Mm-hmm. Cette année, et donc ils ont sorti un vinyle, et c'est disponible sur les supports numériques. Un vinyle, il y a 6 titres, et le charme de ce produit, je trouve, c'est la version piano-voix qui a été mise à disposition par Europe 1, avec Jean Renard qui est au piano, et donc Johnny qui chante pour une des premières fois ce titre. Et cette version, je trouve, c'est le puisqu'elle a plus d'intérêt dans ce produit. Il y a une version stéréo qui est aussi assez nouvelle et intéressante. Il y a une version alternative, donc c'est sympa. Moi, Que je t'aime, ça n'a jamais été une de mes chansons fétiches, favorites. Je sais qu'elle l'est pour beaucoup de gens. Elle est très importante dans la carrière de Johnny. Elle a eu 2 vies. Là, j'ai beaucoup aimé la pochette, le style de la pochette, de la cover. Qui est contraste quand même, hein, à la chanson Que je t'aime. Oui, parce que c'est plutôt le Johnny de Rivière. De Rivière, tout à fait, voilà. C'est ça. Donc, mais on est dans la même période, puisque cette chanson, elle est venue finalement se greffer sur... Tout à fait, sur une très belle pochette. Sur Rivière. Et il y a eu une très belle série cet été dans Le Point, écrite par Thibaut Geffrotin, avec qui je travaille, on en parlera plus tard, sur des collections vinyles. Et il a eu l'occasion de faire un papier sur Que je t'aime. Il a interviewé Jean Renard, qui a raconté cette séance à Europe 1 et ses souvenirs de l'enregistrement. Donc, très, très belle série sur l'année, les 9 en fait, 69, 79, 89, etc. Et il y en a qui a un article spécial sur cette chanson, sur ce titre, avec une interview de Jean Renard. Donc, si tu veux, on peut écouter le piano-voix de Que je t'aime pour démarrer l'émission. Extrait de l'émission, hein, Europe 1 Midi, c'était le 22 avril 1969, et cette émission était présentée par Jacques Paoli. Soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Je t'aime. Quand ta bouche se fait quand ton puteur dit non. D'une pute, d'une pute. Quand c'est moi qui dis non. Quand c'est toi qui dis oui. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Oh, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Oh. Que je t'aime, que je t'aime. Voilà. Voilà ce qui allait devenir un grand, grand, grand tube, de, une grande chanson de la carrière de Johnny Hallyday. Alors Jacques Paoli, c'est marrant parce que quelques années après, je crois qu'en 72, il a lancé une émission sur Europe 1 qui s'appelait Carré Bleu, qui occupait en fait toute l'après-midi de 16h, je crois, à 19h. Et je l'écoutais un jour en voiture, il avait diffusé, c'est là que j'avais entendu pour la première fois un titre qui allait devenir... un single qui annonçait l'album Country Folk Rock, qui était Comme si je devais mourir demain. Mm-hmm. Et j'avais été vachement déçu, parce qu'on sortait de Flagrant Délit, et Comme si je devais mourir demain... Ah, c'était une autre couleur. C'était autre chose, voilà. Mm-hmm. Donc, mais je me souviens de Jacques Paoli, qui était un grand, grand journaliste. On peut le voir dans le film avec Belmondo, Peur sur la ville. Merci, voilà, oui, je vais le dire. Voilà. On voit Paoli en studio, oui. Studio à ce moment-là. En journaliste. Si on attaquait après avec cet album qui va sortir, oui, donc qui sort, vendredi, le 25, vendredi, le 25 octobre, qui s'appelle Johnny. L'album, il y a deux titres qui ont déjà été délivrés, ouais. Délivrés, oui. Non, je ne regrette rien. Et puis Diego. Diego, le premier en extrait. En fait, l'idée de l'album, elle est venue quand ils ont travaillé sur le Stade de France 98 pour le concert du 11 septembre qui a été retravaillé et qui a été mis sur des DVD pour la première fois. Et donc là, en travaillant sur cet album, ils ont découvert des bandes d'orchestres symphoniques qui enregistraient la musique qui allait être jouée au Stade de France. Parce qu'en fait, Johnny avait demandé ça parce que dans les répétitions, il n'entendait rien. L'orchestre jouait tellement fort qu'il n'entendait pas le symphonique. Donc, ils ont été enregistrer le symphonique, en studio. Comme ça, Johnny avait un retour. C'est écouteurs, là, voilà, on se met dans les oreilles, là, et donc ça lui permettait de répéter. Et donc, ces bandes, en fait, elles ont été découvertes beaucoup plus tard. Et quand ils les ont écoutées, il y a des personnes qui ont dit, c'est quand même, on pourrait peut-être faire quelque chose autour de ça, et on pourrait peut-être travailler un album dans cet esprit-là, avec la voix de Johnny et un orchestre symphonique. Et particulièrement, c'est quelqu'un qui s'appelle Georges de Souza, qui est le patron du label Panthéon. Mmh. C'est sur ce label que va sortir le disque. Il a été très séduit par cette idée, et donc il a mis en place le projet, en quelque sorte. Donc, pour eux, naturellement, il a été assez évident que celui qui pouvait se lancer dans une telle aventure, c'était Yvan Cassar. Yvan Cassar, parce qu'il a beaucoup travaillé avec Johnny depuis 98. Hein. Sa première collaboration avec Johnny, c'était pour le Stade de France 98. Et notamment parce qu'il y avait un orchestre symphonique, une séquence symphonique importante au Stade de France 98. Et donc Yvan Cassar, il est directeur musical, il est arrangeur. Il a travaillé sur beaucoup d'albums studio de Johnny, il a travaillé sur beaucoup de lives de Johnny, donc ils avaient une relation très étroite, ils discutaient beaucoup de choix de chansons, ils en répétaient un certain nombre, mais tu le sais, quand on fait un track listing, il y a un moment où il y a des chansons auxquelles tu penses qui ne sont pas retenues, et donc ils ont eu très souvent l'occasion de discuter ensemble de projets autour de l'idée de symphonique. D'ailleurs, je revoyais des émissions de télévision là, récemment où Johnny chante avec des chœurs, avec un orchestre symphonique, oui, des titres. Comme il a fait 500 choristes. Voilà, des choses comme ça. Oui, j'avais un peu oublié tout ça, mais je les ai revus récemment. Et donc ça fait partie. Donc Cassar a accepté le projet à la condition de travailler sur des titres où il avait soit collaboré directement, soit qu'il avait l'occasion d'évoquer et d'en parler avec Johnny, mm-hmm. et d'échanger avec Johnny sur un certain nombre d'idées. Et donc, c'est comme ça que l'idée de cet album est née, c'est-à-dire Cassar, un symphonique, et des chansons sur lesquelles il avait, lui, une légitimité. Alors, on peut discuter du track listing, hein, bien sûr, c'est des chansons connues, on aurait pu imaginer, je sais pas, il aurait pu prendre « Je t'aime, je t'aime, je t'aime », on peut imaginer que cette chanson, elle peut vivre en symphonique elle aussi. Elle peut vivre, mais c'est pas une des plus... Et puis surtout, lui n'a jamais eu l'occasion de parler de cette chanson et d'échanger sur cette chanson avec Johnny. Donc il s'est vraiment focalisé sur des titres. Je crois que le seul titre où ils ont essayé, il y a un ou deux titres qui ont été essayés qui n'ont pas été finalement retenus, c'est il y a « Je te promets ». Et Nina Lamour. Nina Lamour, ça ne collait pas. Bon, ils les ont partenus. Au départ, ils avaient pensé les intégrer. Voilà. Donc, c'est un peu la genèse du projet. Et après, on va voir un petit peu comment Cassar a travaillé. Tu veux qu'on passe un petit extrait de Cassar sur Johnny, ou justement conception de cet album-là ? Oui, si tu veux, puisqu'il s'est exprimé plusieurs fois dans plusieurs médias là-dessus. C'était une interview sur RTL que Yvan Cassar avait donnée il y a peu de temps, il y a 2-3 semaines de ça. Le fait de replonger là-dedans. Au début, j'étais perplexe, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, et en fait, je me suis dit que c'était l'occasion de revenir à ce qu'on avait fait et de le magnifier pour lui rendre hommage et rendre hommage à sa voix et à la qualité émotionnelle de ses prestations. Parce que quand on est sur scène, évidemment, il y a le son de la scène, l'orchestre n'était pas aussi dans la perfection qu'on pourrait attendre d'un orchestre enregistré dans une très belle pièce, on ne peut pas être dans un détail comme ça aussi soigné. L'énergie domine, mais malgré la grandeur, cette espèce d'intimité, de cette espèce de chose qui vous enrobe avec l'orchestre, ça c'est très difficile à rendre sur scène. Et donc du coup, l'idée était tout simplement et très modestement de replonger un petit peu quelques années en arrière et de regarder tout ce qu'on avait fait ensemble, tout ce qu'on avait poussé les chansons, parce qu'il y a des chansons qu'on a fait plusieurs fois ensemble, où j'ai fait plusieurs arrangements, et qui ont évolué pendant les dernières années, donc c'était très intéressant, et de revenir, il y avait toujours cette idée de revenir à ce qu'on a vécu, à l'émotion qu'on a vécue ensemble, et ce qu'on a fait tous les deux. Il n'était pas question de faire un arrangement nouveau, totalement nouveau et révolutionnaire, ou que sais-je, par rapport à ce que lui avait entendu de mon travail. C'était plutôt une manière de mettre un très bel écrin sur ce qu'on avait partagé et ce que j'avais écrit avec lui. Voilà le mot principal, l'écrin. Voilà, l'écrin, puis surtout, tu vois, ce qu'il dit, c'est qu'il a travaillé sur des chansons où il avait vraiment eu l'occasion d'en discuter et de les évoquer, de les travailler avec Johnny, en tout cas d'avancer sur des idées. Et donc, ce qui est aussi important, c'est qu'à partir du moment où ils se sont lancés là-dedans, ils ont réuni une équipe autour, qui est l'équipe avec laquelle Johnny a travaillé toutes ces dernières années. Donc, ça a été mixé à Los Angeles par Bob Clairemontaine, qui travaille avec Johnny depuis À la vie à la mort, et qui a quasiment mixé tous les albums depuis À la vie à la mort. Ils ont fait appel à François Gauthier, qui est en fait une personne que peu de gens connaissent, mais qui travaille avec la voix de Johnny ces 10 dernières années, donc qui a supervisé aussi cet album. Et puis Bob Ludwig, qui est le maître du mastering, qui a masterisé beaucoup d'albums de Johnny et de grandes stars internationales. Et donc c'est cette équipe-là qui a travaillé sur ce produit. Donc ça, c'était aussi important pour respecter, évidemment, Johnny et d'être le plus rigoureux possible. Donc, à partir de là, Cassar a choisi de travailler avec le London Symphony Orchestra. Il faut savoir que, je pense que les fans de Johnny le savent, Johnny a évidemment une passion pour le cinéma. Et très souvent, il discutait cinéma, il discutait musique de film. C'est quelque chose qu'il aimait beaucoup. Il a beaucoup échangé avec Cassar sur le cinéma, sur les musiques de film. Et London Symphony Orchestra, outre le fait qu'ils sont habitués à travailler avec des artistes de la rock music, mais ils font aussi beaucoup de musique de film. Et avec London Symphony Orchestra et 70 musiciens, je crois, il y a les London Voices, ces 42 choristes, qui sont aussi habitués à travailler pour le cinéma. Et Cassar avait le choix entre deux studios, Abbey Road et Air. Il a préféré Air parce qu'il a ses repères et parce que Air est un peu plus moderne que Abbey Road. Donc il est allé à Londres enregistrer tout ça. Le premier extrait de cet album-là, de Johnny, qui sortira donc le 25 octobre, c'était Diego libre dans sa tête. Thank you. derrière les barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, oui, dehors il fait chaud, et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. La voix de Johnny est bien mise en avant. Alors, le choix des voix est évidemment un exercice très important et pas évident pour cet album. Et ils ont privilégié les voix live, parce que c'est là que Johnny donne toute sa dimension exceptionnelle. On va se redire, mais c'est un interprète fabuleux. Et c'est sur scène qu'il donnait une puissance à tous ses titres, avec des interprétations incroyables, où sa voix avait le plus de puissance, le plus de force. C'est un Johnny... Il y a deux thématiques dans cet album. Tu as un Johnny héroïque, épique, qui fait 40 mètres de haut. C'est le Johnny qui voilà, c'est l'envie, c'est Requiem pour un fou, c'est des titres comme ça. Et tu as aussi, et c'est pour ça que ce n'est pas un album uniquement symphonique, il y a un côté très intimiste. Donc c'est très intéressant. Quand je l'ai écouté, parce que j'ai eu la chance de l'écouter une fois en studio, je ne savais pas ce que j'allais entendre. Et j'ai été particulièrement séduit par les... nouvelle version de Marie, qui est un titre voilà, qui a eu un immense succès à l'époque, mais je pense que ça va surprendre en tout cas et que ça va plaire à beaucoup de fans de Johnny, et de 100%. Ces deux titres sont retravaillés. Kassar, quand il a travaillé ces titres, avait dans la tête le travail fait par un producteur américain qui s'appelle Rick Rubin, qui a travaillé avec Johnny Cash, notamment sur les derniers enregistrements de Johnny Cash. Et il avait ça dans la tête, il voulait arriver à un résultat un petit peu similaire. Je trouve qu'il y a particulièrement... Enfin, moi, j'ai adoré la version de Marie, en fait. Cette nouvelle version, donc, que les gens vont découvrir. Donc, il y a ce côté intimiste. On le retrouve aussi sur un titre où Kassar avait travaillé en studio, qui était M'arrêtez-là. Qui concluait le Parc des Princes 2003 et la tournée des stades, et donc qui fait partie des titres qui sont pas forcément les titres c'est pas un des titres les plus connus de Johnny par rapport à Diego ou à l'envie ou à Vive pour le meilleur. Vive pour le meilleur, c'est un titre exceptionnel qui a là aussi qui prend une dimension avec la voix de Johnny et cet orchestre symphonique incroyable. Et donc il a sur certains morceaux, le chanteur abandonné aussi, essayé de trouver une couleur, quelque chose d'assez différent. différent et c'est vraiment assez réussi à mon avis. Hein. C'est, encore une fois, ce n'est que mon avis et on peut ne pas le partager et d'un avis tout à fait contraire. Mais en tout cas, il y a vraiment ces deux facettes dans l'album. Le Johnny 40 mètres de haut, épique, héroïque, et un Johnny beaucoup plus intimiste, avec à chaque fois un souci. Le souci de Cassar, c'était que les gens entendent la voix de Johnny comme eux l'entendaient derrière une console ou en studio. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de réverb, il n'y a pas tout ça. C'est la voix pure de Johnny. Il a choisi donc des prises alternatives, il a choisi des versions live, mais qui ne sont pas celles qu'on a l'habitude d'entendre. Je crois que le premier extrait qu'on a entendu, Diego, c'est une voix qui a été prise en répétition au Parc des Princes 2003. Moi, je te dis que c'est carrément une prise directe live. Il a fait quatre concerts. Donc les quatre ont été captés. Donc il a probablement effectivement pris une répétition. C'est une. Oui, je dis une connerie. Excuse-moi. Mais une de ces quatre prises. C'est bien celle qui configure sur le live de 2003. Et ils ont tout gommé. Hein. C'est vrai que l'écho qu'on entend dans le stade, ça c'est gommé. Le public évidemment, c'est normal. Hein, qu'on entend. Ouais, mais donc, ils ont vraiment fait une voix version studio. Ils n'ont plus une voix avec de la réverb comme on l'entend en stade. Vraiment le souci de mettre la voix de Johnny dans un écrin et la voix la plus pure possible. Et donc, bon, encore une fois, c'est vrai que c'est très émouvant. J'ai vu des fans qui ont pu découvrir l'album à la Fnac de Lille, je crois qu'il y a une écoute là, et qui visiblement étaient à la fois surpris, étaient émus. C'est vrai que c'est hyper émouvant de l'entendre voilà, 2 ans après qu'il nous ait quittés, sur ces chansons qui font partie de son histoire, qui sont des chansons magnifiques. Alors évidemment, on peut préférer Johnny avec deux guitares, une basse, une batterie. Hein, y a pas de... Mais Johnny, il est multidimension. Il avait ce côté Elvis, mais il adore la grande chanson française. Il a chanté Brel, il a chanté Beco, il a chanté Brassens, tous ces grands artistes. Et le premier qu'il ait chanté, c'est Ferré. En 80, Eddy Vartan a insisté, beaucoup insisté pour qu'il enregistre Avec le temps. Il ne voulait pas, il trouvait que c'était trop tôt. Mais finalement, il a cédé, il a fait une version, une prise qui est sortie sur l'album des 70 ans de Johnny. Et donc, il était déjà cette dimension-là d'interprète sur des textes et sur des grandes chansons. C'est quelque chose qui fait aussi partie de sa panoplie. Voilà, on peut faire Bebop Peloula, on peut faire Ola Lota Shaking Going Home, on peut faire la musique que j'aime, puis on peut faire aussi Et maintenant, La Quête. Ou... Tout à fait. Comme ça. En 1974, Johnny disait « Je suis un chanteur de variété qui chante du rock'n'roll ». Il disait « Je suis un chanteur de variété revu et corrigé par le rock'n'roll voilà. ». Je pense que je suis un chanteur de variété revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Ce qu'il disait à Michel Lancelot dans voilà. l'interview. Et en 1984, à Nashville, il disait le contraire. Alors il dit « Je déteste ». Oui, non, mais tu sais, bon, voilà. Il disait « Je suis un chanteur de rock'n'roll qui fait de la variété aussi. Voilà, c'est d'abord avant tout un interprète, imprégné évidemment de la musique américaine, du blues, du rock'n'roll, de la country, mais qui est aussi tellement exceptionnel quand il s'accapare une chanson du répertoire français. Et donc là, dans l'album, il y a Non, je ne regrette rien de Piaf, il y a Sur ma vie d'Aznavour. Dieu sait s'il adore Aznavour et Dieu sait s'il a chanté Aznavour dans plusieurs émissions de radio, de télé. Et Sur ma vie. Bien sûr. C'est une chanson qu'il adorait. On a un documentaire de 1982, il me semble, où il chante même du Charles Trenet. Il chantait plein de classiques. Il chantait La mer. La mer, c'est ça. Formidable. Il chantait aussi. Et quand il chante avec Bruel. Boris Vian aussi. Avec Bruel, dans l'album de Bruel, Entre deux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Super. Voilà, donc on peut aimer Johnny sous différents aspects, différentes facettes. Et on retrouve ça dans cet album avec ses deux côtés, ce côté, cette dimension grand orchestre. Alors. Il n'a pas souvent utilisé d'orchestre symphonique, Johnny, contrairement à ce que j'ai pu lire dans un article d'un quotidien très sérieux qui écrivait qu'il avait utilisé un symphonique pour Retiens la nuit ou Que je t'aime. Non, il a mis quelques violons, mais ce n'était pas du symphonique. Probablement avec Hamlet, bien sûr. Il y avait un grand orchestre. Et puis la première fois qu'il en fait vraiment, c'est à Bercy en 90, où il revient, il nous fait deux titres, Je te promets et l'envie, avec l'orchestre symphonique. Le final avec l'envie et. Allez, on se fait une petite pause live avec Johnny Hallyday. Voici de l'édotique de Bercy 90, Je te promets et l'envie. Et vous êtes toujours, évidemment, sur Érigé, la radio de Johnny Hallyday. Et avec Jean-François Chenu, bien sûr. Au baiser de ma bouche, je te

Johnny et Bercy en l'an 90. Ça file le frisson quand même quand on entend ça encore. Hein. C'est... Ça fait du bien, ça fout la patate aussi. Ça a envoyé. Et en fait, c'est vrai, dans le parti pris de Kassar, c'est de partir de... des voix live qui sont beaucoup plus fortes, plus prenantes que les voix studio qui sont forcément travaillées par définition. Et y a, quand tu écoutes la version studio de L'Envie et des versions live, mais il n'y a pas photo. Enfin, y a une chanson et puis il y a un chef-d'œuvre. Et puis ça prend toute sa vie sur scène. C'est ce que j'ai essayé de raconter dans le livre. Mais Kassar a vraiment fait un énorme boulot pour avoir ses voix de scène. Et leur donner un écrin avec un habillage studio musical qui fait que bon, ça prend, c'est vachement émouvant quoi. Parfois, c'est y a une vraie émotion quoi. On va passer le moment où Yvan Kassar parle des conditions de travail avec les voix alternatives. C'est un album qui est partagé entre ce que m'a donné Universal, entre des choses de studio, des versions inédites de voix de studio que je trouvais magnifiques et je trouvais que c'était dommage. Donc du coup on a travaillé là-dessus, et puis des voix de live, de performance live, que j'ai faites avec lui. Ça veut dire qu'il y aura des prises de voix inédites de Johnny dans cet album ? Absolument. Ça, c'est une vraie info. Ça veut dire qu'on va entendre des bouts, des moments de chansons qu'on connaît, mais des prises de voix totalement originales. Absolument. On a eu cette chance bénie d'avoir plein de manières de l'entendre chanter, beaucoup de soirs en studio, d'avoir à faire des choix cruels quand on est en studio, parce qu'une voix définitive, c'est une voix, il y a un seul choix. Et du coup, quand on a estimé que la qualité était là et qu'il y avait d'autres versions, ce qui est évidemment, vous pouvez l'imaginer avec un chanteur de cette qualité, un interprète aussi dingue, du coup, c'était intéressant d'avoir des versions studio, d'alterner avec ça et les versions live. C'est Bob Clairmontaine qui mixe le disque, qui a mixé tous les disques de Johnny depuis beaucoup, beaucoup d'années. Et donc, il connaît absolument que Johnny adorait. Il m'a écouté ici les mixages à Los Angeles. Je le revois sur la chaise. On essaye d'être vraiment tout simplement, très modestement, dans l'héritage et de lui rendre hommage et de magnifier. Voilà. Et c'est une bonne façon de conclure. On va écouter le deuxième extrait qui est à disposition. L'album sort vendredi. On va voir comment ça fonctionne. Et puis j'espère que ça plaira à beaucoup de gens. En tout cas, maintenant que j'ai eu le plaisir de l'écouter une première fois en studio, puis après pour travailler un peu dessus, il y a vraiment des très très belles choses. On parlera après un peu des avis qu'on entend à gauche et à droite sur les réseaux sociaux, évidemment. Ceux qui attendent le produit, ceux qui vont... Ah bah, il y en a qui détestent, ça, et puis il y en a qui attendent. Exactement. C'est bon, on en parlera juste après le titre. C'est la vie, hein. Oui, on en parlera juste après le titre. Non, je ne regrette rien. Avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. regrette rien. Et le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Oh non, non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec vous. Non, je ne regrette rien, Johnny Hallyday sur RIG. Avec Jean-François Chenu, on parle de l'album Johnny qui sortira le 25 octobre. Oui, c'est après-demain. Comme je te disais à l'instant, je te disais, c'est ce petit décalage à la fin quand il dit ça commence avec vous qui me dérange un petit peu sur ce titre-là. Ouais, envoie un message à Kassar. Oui, ben on verra. C'est vrai que ça me dérange. C'est-à-dire, on est tellement habitué à la version de l'Olympia 2000 qu'on l'attend plus tôt. Tour Eiffel et Olympia 2000. Voilà. On n'est pas habitué à ce décalage-là et... Tu vas t'y habituer, t'inquiète. Ça a chatouillé un peu tes oreilles au début, puis après ça ira. Ah ben bah ça continue à me la chatouiller, à me les chatouiller, oui. Donc l'album Johnny, voilà, qui sort le 25, il est surtout destiné à un grand public. Il est destiné à un public, au large public qui aime Johnny Hallyday, qui a fait le succès des grands albums de Johnny Hallyday. Tout le monde sait que les grands succès de Johnny sont d'abord et avant tout Johnny chanteur, Johnny interprète. C'est pas le Johnny thématique de Derrière l'amour à 100% en passant par d'autres réussites du genre. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai public pour ce disque. En tout cas, ça sera intéressant de voir comment il est accueilli de toute façon. Hein. Il y a déjà 100 000 exemplaires qui sortiront le 25 octobre. Au moins. Hein, 100 000 minimum. Je crois que la distribution a doublé les précommandes parce que l'accueil a été très très bon et qu'ils attendent effectivement beaucoup de succès sur ce disque. On verra bien à Noël où il en est. Il y aura beaucoup de promos en télévision, pas mal de radio aussi. Bon. Je sais que Yvan Kassar passe dimanche chez Drucker. Peut-être, oui. Bah, il me semble avoir lu ça. Il est invité. Pour faire la promotion. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, non, il a déjà fait quelques interviews. Il en a donné dans la presse, notamment. Il est breton, en fait, Yvan Kassar. Il vit en Bretagne, donc il a été interviewé par West France, qui est le plus grand quotidien. C'est le quotidien qui vend le plus de numéros en France. Donc, voilà. Écoute. Rendez-vous vendredi, et puis comme l'actualité de Johnny va s'enchaîner, on va peut-être parler un petit peu de ce qui va se passer le 1er décembre. Ah bah attends, je vais te dire encore quelqu'un peu. Ah oui, tu vois que tu veux. Ah, je vais te dire un peu. Ah oui, faut vivre avec les réseaux sociaux de nos jours. C'est quoi tes réseaux sociaux? C'est Facebook? Je lis un peu de tout. Alors on va dire que l'avis des fans est très partagé sur ce nouvel opus. Hein, entre ceux qui l'attendent, qui sont agréablement surpris par les deux nouvelles versions déjà divulguées, comme on vient d'entendre, ou ceux qui s'en dispenseront. C'est leur droit absolu. Sur le fait d'avoir un album orchestré, c'est loin d'être convaincant. Et il y en a qui disent que c'est du réchauffé. Bref, c'est commercial. Mais ça veut dire quoi, c'est commercial? Mais c'est vraiment, c'est tout public, c'est grand public. Bah, donc, c'est ça. C'est ça, commercial, c'est grand public. Donc, ce qui est commercial est quelque chose de mal, je veux dire. Heureusement qu'il y a des succès commerciaux. Mais bon. Encore une fois, on peut préférer Rapton, hein. Oui, tout à fait, bien sûr. J'ai vu ça sur un autre site, disant ces sorties commerciales sont peut-être le prix à payer pour permettre le travail d'Universal et la sortie de produits plus confidentiels comme les livres disques. Non mais c'est deux approches complètement différentes. Est-ce que ça peut apporter ça justement? Est-ce que ce fait que ça empêche pas les livres, des moyens, ça donnerait les livres disques. Oui, je sais que beaucoup de fans attendent, mais moi aussi, hein, sont impatients. On va en parler tout de suite. La poursuite de la collection livre-disque avec 69. Pour des impératifs commerciaux, parce qu'il y a un encombrement, des canailles, l'Olympia, Johnny, donc la sortie du livre-disque sur le 69 Rivière est repoussé à début 2020. Donc, mais ces projets-là, c'est des petites quantités. Ça intéresse une frange bien particulière du public de Johnny. C'est l'idée, combien d'exemplaires à peu près 3 000 exemplaires. 3 000, enfin, Que je t'aime, c'est 3 000 exemplaires. D'accord. Que je t'aime. Mm-hmm. Oui, tout à fait, oui. Là, c'est pas du tout la même chose. Alors, il faut de tout. Il n'y aurait pas eu l'album symphonique, ça n'aurait pas empêché le livre-disque 69 de sortir. Et d'autres derrière, parce qu'il y en aura d'autres. Maintenant, quand on peut faire un projet qui permettent de remettre une lumière sur Johnny, sur l'interprète, et qui va toucher beaucoup de monde. Mm-hmm. Beaucoup de monde. Pourquoi s'en priver ? Est-ce qu'il y aura un événement comme ça tous les ans ou tous les deux ans ? J'en sais fiche rien, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que ce soit Warner, mais surtout Universal, le travail sur le back catalogue de Johnny n'est pas fini. Il y aura encore des rééditions, il y aura plein de choses inédites qui sortiront. On entendra sûrement des concerts inédits qu'on n'a jamais entendus. Mais tout ça prend du temps, il faut des accords, parfois c'est compliqué. Il y a des gens qui sont décédés et il faut trouver les personnes qui sont aujourd'hui responsables de leurs droits. Mmh. Donc, et puis tu ne peux pas sortir un produit toutes les semaines. Donc c'est quoi ? C'est chaque année, il y a 4 à 5 rendez-vous, on va dire, dans l'année. Donc il y a un programme qui est établi, et donc il y a à la fois les intérêts d'une maison de disques, il y a aussi ce que la personne qui gère le bac catalogue de Johnny a envie de faire, donc tout ça fait l'objet de discussions, et puis après des arbitrages. C'est tout ça, c'est la vie d'une entreprise, hein, c'est logique, mais c'est pas idiot de dire effectivement, si ce projet-là marche et tout le monde en est content, ça permettra de faire des choses plus ambitieuses derrière. Ce qui est fait pour l'Olympia, c'est pas une petite affaire. On va en parler après, mais mm-hmm. c'est quand même un énorme projet. Johnny a fait d'autres salles. On peut imaginer d'autres produits. Il peut faire tous les Bercy, par exemple, tous les palais des sports. Par exemple, tout ça mérite réflexion, analyse. Je sais pas comment, on verra comment tout ça est accueilli. Il peut y avoir plein de dérivés par rapport donc, à ce qui va se faire pour l'Olympia, c'est sûr. Mais encore une fois, donc, les livres-disques, oui, ils vont continuer. 69 va sortir, début 2020. Quel sera le suivant ? J'en sais rien. Oui. Il n'y a pas une cadence soutenue, il n'y aura pas une cadence plus soutenue que ce n'a été auparavant. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça prend du temps. Mmh. Je sais pas. Je pense que les gens ne s'imaginent pas le temps que ça prend. D'aller rechercher toutes les bandes, de les numériser, de les écouter, d'obtenir tous les accords et tout, ça prend énormément de temps. Là, Universal a passé un accord avec, c'est formidable, avec Europe numéro 1, qui permet d'avoir accès à une multitude de choses. Il y en a des archives. On va en parler après. Tout à fait. Voilà, ça laisse la porte ouverte à beaucoup de projets. Mais dis-toi que dans l'année, tu as 4-5 temps forts. Voilà. Et par trimestre, en quelque sorte. Oui, enfin, on sait tous que le marché du disque aujourd'hui, c'est comme le livre, c'est 80% des ventes se font à Noël. Mmh. Donc plus tu approches de Noël, plus tu sors des produits, c'est logique. Il y a plus. Ça fait mal au portefeuille quand même. Ah, c'est sûr, ça fait mal au portefeuille. Mais c'est plus, on est plus sur le second semestre d'une année calendaire que sur le premier semestre. Tout à fait. Il y a des dates clés, 15 juin, l'anniversaire de Johnny Hallyday. Ils sont sortis cette année le coffret des albums édités à l'étranger. L'année prochaine, il y aura forcément quelque chose. Quoi, j'en sais rien. Mais les livres 10 vont continuer. Des concerts, peut-être inédits, il y en aura. Voilà. On attend, de toute façon, on lance plein de trucs sur les réseaux sociaux. Évidemment, on vit avec. Non, mais je connais. je sais très bien quelles sont les envies des fans. Tu les sens aussi. Ce qu'ils temps. Attendent, mais bon, d'abord, ça ne dépend pas de moi. Bien sûr. Je n'ai aucune responsabilité là-dedans. Après on pense sur toi, peut-être que pour les remonter, pour des remontées, pour dire ah, oui, alors, ça serait sympa. Ça serait sympa. Vous avez diffusé récemment, c'était intéressant, une analyse sur le Zénith 84. Oui. Mais le sujet, je l'avais remonté, on mm-hmm. en avait parlé. Et puis il y a un moment où il sera question du Zénith 84. C'est pas dans les tuyaux, c'est pas dans le programme à court terme. Mais ça viendra forcément à un moment ou à un autre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, on va dire, les dates anniversaires. C'est-à-dire, en gros, pour 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Regarde les Rolling Stones, là, il y a les 50 ans de Let It Bleed, ils ressortent l'album. C'est toujours... le plus souvent possible, c'est lié, effectivement, à une date anniversaire. Voilà. Et là, pour l'instant, d'accord, 69 est décalé pour 2-3 mois. Mais ça reste évidemment plus que jamais dans les tuyaux et d'actualité, oui, ça c'est sûr. Et je suis certain que les gens qui attendent 69 seront très contents du projet qui va sortir. On l'attend avec impatience aussi, ce projet. Tiens, pour fermer la rubrique Johnny tout court, qui sortira le 25 octobre, on va écouter deux titres de Johnny au Stade de France 1998. Que je t'aime et Sur ma vie. Johnny Hallyday sur Érigé avec Jean-François Chenu. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Vous écoutez Érigé, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Dans tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Dans l'ombre et la lumière, tes signes sur ton cœur, les montagnes et les forêts. Ta bouche se fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non. Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne, et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non. Que je t'aime. Moi je t'aime. Ah. Quand mon cœur sur ton cœur, lourd comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat, mais qui mène et qui la perd. Oh, oui, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Oh. Que je t'aime, ah que je t'aime, ah Dieu, que je t'aime. Vous êtes sur Érigé, bien entendu, et on se retrouve d'ici quelques secondes avec Jean-François Chenu pour parler. Tiens, on va parler de l'Olympia, mais juste après, le Stade de France 98 et le titre, la reprise de Charles Aznavour sur ma vie. Thank you. Comme à chaque spectacle, vous savez, je chante toujours une chanson d'amour, une chanson de quelqu'un que j'aime. Et puis pourquoi une chanson d'amour? C'est simplement parce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux à faire à la fin de mes spectacles pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, je t'ai fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait t'offrir mon nom. J'ai juré que mon cœur ne battrait jamais pour aucun autre cœur. Et tout est perdu, car il ne bat plus, mais il pleure mon amour déçu. Je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et même à présent, je tiendrai serment, malgré tout le mal que tu m'as fait. Sur ma vie, chérie, je t'attendrai. Je vous aime. Du fond de mon cœur, du fond de mon âme, c'est un moment ce soir que je n'oublierai jamais. Merci. Et merci aussi à vous de suivre cette émission Johnny de A à Z ce soir, ce mercredi 23 octobre, avec Jean-François Chenu en invité de cette émission qui va nous parler à présent du coffret qui va sortir le 1er décembre. Il sort le dimanche 1er décembre. Pour les séances de l'Olympia. Voilà. Alors, on va rappeler un petit peu ce qui va se passer. Donc, le 1er décembre, il y aura 3 séances à l'Olympia. C'est une soirée qui est organisée. Prévu depuis un moment par Universal, avec la participation pour la partie image de Michel Yankelevitch, qui a dû d'ailleurs finir de monter un film plein d'images inédites des Olympiades de Johnny. Et donc, trois séances, une à midi, une à 16h, et une à 20h, où donc le public pourra voir ce film et puis se retrouver dans une ambiance, dans une salle que Johnny a beaucoup fréquentée. Il y a chanté plus de 260 fois, je crois, depuis de 1961 à 2000. Et à l'occasion donc, de ces trois séances, cette journée est un peu anniversaire, sort un coffret, deux coffrets, un coffret vinyle et un coffret CD. Alors, ces coffrets sont édités à 1500 exemplaires et ils sont en vente uniquement pour le moment sur le site johnnyhallyday.store, et on pourra également soit les acheter et repartir avec, mais ils pèsent 4 kilos, donc ah oui. C'est assez encombrant, soit souscrire et on le recevra à son domicile quand on se rendra à l'Olympia le 1er décembre. Ce 1er décembre, pour ceux qui ne peuvent pas aller à l'Olympia, il y a un accord qui a été passé avec Pathé et pour une diffusion du film dans les salles Pathé, je pense à 20h. Donc là, j'ai un ami là, qui vit par exemple à Aix-en-Provence qui m'a dit qu'il avait pu réserver sa place pour aller voir le film à Aix en 20h. Donc à 20h, donc, dans plusieurs salles en France, on pourra être aussi en quelque sorte associé à cette séance de l'Olympia. Et donc à cette occasion sort un coffret de 18 CD et 2 DVD qui raconte en fait une histoire, qui raconte l'histoire de Johnny à l'Olympia. Alors il y a un très très beau texte de Jean-François Brieux, il y a un très beau livret avec des photos absolument magnifiques. Et un contenu avec des choses, il y a quand même quelques nouveautés, il y a des choses qu'on découvre. Alors, on peut rapidement décortiquer ces 18 CD. Tu as d'abord le premier qui est l'Olympia 61, 17 titres, c'est un enregistrement mono du 21 septembre 61. Ensuite, il y a beaucoup d'Olympia 62. Il y a 4 CD. 4 CD, donc des enregistrements différents, à des moments différents. Et le quatrième CD, le cinquième dans la collection, regroupe à la fois des titres enregistrés le 31 octobre et 6 titres que Johnny a chantés le 13 décembre à l'occasion du Noël de l'Élysée. Donc c'était le général de Gaulle qui était président de la République à l'époque. Et donc c'est quelque chose d'inédit, on n'a jamais entendu ça, c'est jamais sorti. Alors il y a un CD qui est sorti, mais donc ce n'est pas sous Universal, sous l'appellation Universal. C'est sorti, mais ce n'est incomplet. Ouais, il est incomplet. Bon, là on va voir l'intégrale. Et puis avec un travail qui a été fait, tout a été retravaillé en studio pour avoir le son le meilleur possible. Ensuite l'Olympia 64, un Olympia ô combien important avec Joey DeShowman et Joey Greco. Là aussi il y a l'enregistrement original qu'on connaît, et puis il y a eu d'autres prises, d'autres séances, donc on a trois CD consacrés à cette Olympia 64, comme après l'Olympia 67, avec l'enregistrement original, mais d'autres enregistrements, d'autres séances. Et puis, tu te souviens, j'avais lancé un appel chez toi, dans ton tout émission. À fait, que j'ai relayé également, voilà, oui. Tout le monde y a mis du sien, c'est très compliqué. On va avoir une trace, un témoignage de ce concert un peu unique, exceptionnel, que Johnny avait donné à l'Olympia en 72, dans le cadre d'une soirée pour la LICA, devenue la LICRA, la Ligue contre l'antisémitisme et le racisme. Il n'existe malheureusement pas de captation intégrale de ce concert. On ne l'aura jamais, cette version-là. On ne l'aura jamais. Si elle existait, je pense qu'on l'aurait eu. Mais là, toutes les recherches, en fait, comment ils ont procédé, on a reçu énormément de sources différentes, mais toujours sur les mêmes titres. Ouais. Je ne sais plus combien il y en a 9, jamais au-delà. Alors, ça me fait rire quand j'entends l'animateur radio qui dit « le concert se termine, Johnny chante, je crois, comme si je devais mourir demain, le concert est terminé, il rend l'antenne ». Mais on sait tous que Johnny ne terminait pas ses concerts comme si je devais mourir demain. Et moi, j'ai eu la chance, j'ai assisté à ce concert, j'y étais. Donc je m'en souviens quand même très bien. Et il est rentré sur scène, il était minuit, et il a fini, il était 1h30 du matin. Donc il a chanté, il a fini par... Sûrement un medley rock'n'roll, absolument. Il revenait de Tahiti. Il suffit d'écouter l'album enregistré à Tahiti pour voir le type de show qu'il faisait. Et il était bronzé, il avait une pêche terrible. Moi, c'est vrai que j'étais un peu surpris qu'à minuit, je me dis à minuit, il va faire 1h30. Mais si, il a fait 1h30 de concert. Malheureusement, il n'y a aucune captation de cette deuxième partie. Donc, ils ont pris plusieurs sources. Et puis, le studio a essayé de sortir ce qu'il y avait de meilleur dans les sources qu'on avait. La source vient de France Inter, hein, c'est bien ça ou Oui, au départ, c'est France Inter qui a retransmis cette soirée. Tout à fait. Et donc là, donc différentes sources qui ont permis différentes sources pour faire le produit le plus correct possible, même si ça sera évidemment pas exceptionnel, mais ça a été travaillé du mieux possible. 73, qui était sorti dans le coffret History, a été retravaillé aussi en studio. Il y a évidemment, j'ai zappé, mais il y a C'est vrai que j'ai oublié, mais il y a les 65 et 66. Oui. Les deux concerts qui étaient sortis dans le cadre de la collection. On va écouter les extraits, oui. On va écouter les extraits. C'est des concerts qui ont marqué l'histoire. En tout cas, celui de 66, le 18 octobre 66, fameux concert où Jimi Hendrix faisait la première partie. Et puis, après, bah, y a un grand bond dans l'histoire, parce que Johnny a quitté l'Olympia en 73, il y est revenu en 2000 pour une série de concerts absolument inoubliables. Et là, inédit dans ce coffret, Quelques cris. Qu'il avait chanté et puis qu'il avait remplacé par Pardon après, donc était jamais sorti, qui sort à la fois dans le DVD et dans le CD. Alors dans le CD, il est remonté chronologiquement, ce qui n'a pas été possible dans le DVD, c'est un bonus à la fin. Et puis, lors de cet Olympia 2000, beaucoup d'amis chanteurs sont venus faire des duos avec Johnny. Et donc tous ces duos sortent dans ce coffret. Il y en a qu'un qu'ils n'ont pas pu avoir parce qu'il n'y a pas eu d'autorisation. C'est un duo avec Muriel Robin qui a été, je crois, date en fait de la dernière. Voilà, ils avaient fait Ma Gueule ensemble. J'étais à cette dernière et je me souviens que c'était là qu'elle avait fait Ma Gueule avec lui. Et il y en a un qui est particulièrement émouvant, c'est le duo avec France Gall, parce que France Gall avait un peu disparu de la circulation. En fait, c'est la dernière fois qu'elle monte sur une scène. Mmh. Johnny, elle l'a fait pour Johnny. Johnny avait beaucoup insisté. Ça a tellement ému les gens qu'ils l'ont fait deux soirs. Et ils ont chanté ensemble Quelque chose de Tennessee. Et donc, on va à la fois le voir dans un DVD, parce qu'il y a un DVD de tous les duos, bonus, et évidemment sur un CD, sur un support CD. Donc, c'est un très beau produit. Hein, c'est un produit, je te dis, 18 CD et 2 DVD. C'est un produit qui retranscrit toute l'histoire que Johnny a avec cette salle, avec Bruno Cocatrix, qu'il évoque à un moment. L'Olympia, c'est la salle où on était consacré. Oui, il a été consacré très jeune, parce qu'en 61, il avait 18 ans. C'est ça, ça faisait un an qu'il chantait. Oui, ça faisait un an qu'il chantait. Au début, Cocatrix avait été un peu réticent. Puis, comme il était très malin, il a vite compris qu'il se passait quelque chose avec Johnny. Puis, il lui a ouvert les portes de l'Olympia. Et donc, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 72, 73, et puis 2000. Sinon, très beau visuel, hein. Alors, tout ce que j'ai pu voir, vraiment, c'est toujours bien soigné, superbes visuels, c'est un beau produit. J'ai vu le livret. Franchement, le texte, les textes de Jean-François Brieux sont superbes. Et les photos, il y a des photos, certaines que je ne connaissais pas, qui sont absolument magnifiques. Il y a vraiment un travail de Xavier Perrault, qui est responsable de toute cette production, qui est sensationnel. Sensationnel. On va illustrer un petit peu cet Olympia-là avec un Olympia de 1965, ça te dit ? Très bien. Si je te propose donc Olympia 65 avec le titre que tu m'as demandé, Toi qui t'en vas. Voilà. Illustration. Aujourd'hui, tu t'en vas. Les barreaux, c'est fini pour toi. Écoute. J'entends les pas du gardien qui vient par là. J'entends déjà sonner ses clés. À toi la liberté. Si par hasard un jour comme ça tu passes à côté de chez moi et que ma mère est là, dis-lui que pour moi ça va. Ouais. Et si tu veux, si tu y penses, embrasse-la pour moi. Je t'en prie, pas un mot de ces murs noirs, de ces paroles. Jusqu'au matin. Rock est un vrai extrait de l'album Olympia, Musicorama 1965. Alors, je relis pour les gens qui nous écoutent. Donc, les albums sont commercialisés. Il y en a 1500 qui sont édités. Ils sont aujourd'hui en vente uniquement sur le site johnnyhallyday.store. Ils seront aussi disponibles à l'Olympia le 1er décembre. Si, après cette commercialisation, il en restait en circulation, ils seront mis sur des sites marchands, Fnac ou Amazon, mais seulement s'il en reste. Et alors, toutes les personnes qui commandent aujourd'hui, qui réservent sur le site johnnyhallyday.store, et ainsi que ceux qui ont pris des places à l'Olympia, des places un peu VIP, c'est ça comme ça. Donc ces personnes-là se verront offert un 45 tours qui comporte deux titres, c'est Elle est terrible, Olympia 62, et À propos de mon père, Olympia 2000. Et ce 45 tours sera offert à toutes les personnes, ceux qui ont déjà souscrit sur le site johnnyhallyday.store recevront bien évidemment ce 45 tours. Et autre information qui a intéressé nos auditeurs, je pense, le 6 décembre, c'était bien que tu passes, toi qui t'en vas, le 6 décembre va sortir, donc, dans la continuité de ce projet Olympia, un double CD-DVD, ce qu'on appelle un digipack, qui va s'appeler Un soir à l'Olympia, et qui est en fait sur un double CD, un montage de plusieurs titres de Johnny captés à l'Olympia, un peu comme on avait fait l'album de sa vie, donc avec des extraits de l'Olympia 62, de l'Olympia 64, de l'Olympia 65, de l'Olympia 66, de l'Olympia 67, de l'Olympia 2000. C'est pas monté chronologiquement, c'est monté comme un peu un tour de chant, et donc ça permet d'entendre des titres très forts que Johnny a interprétés à l'Olympia sur un double CD. Et le DVD proposera l'Olympia 62 et le DVD des duos. Et donc ce produit-là sort le 6 décembre. Donc tu vois, effectivement, pour les porte-monnaies des fans de la fin d'année, elle est chargée. Mais voilà, autour de l'Olympia... Le Père Noël aura de quoi distribuer aussi. Un Père Noël, du boulevard des Capucines. Donc ça, c'est, je crois que ça va être commercialisé assez vite et on pourra le commander très très prochainement. Il y a aussi le coffret vinyle Olympia. Le coffret vinyle, oui, qui doit peser. Aussi, je ne sais aussi, pas combien il pèse près, celui-là. Parce que... Il est un peu plus léger celui-là. Il est un peu plus léger. Oh, quoi qu'il y a 7 doubles vinyles. On retrouve principalement des Musicorama de 62, de 64, 65, 66, 72, 73. Et les duos de l'Olympia sur un double vinyle. Et il y aura aussi l'Olympia 61 sur un double vinyle. Donc ça, on va dire, tous ces disques-là sont des inédits. Ne sont jamais apparus en vinyle jusqu'à présent. Alors, donc c'est de l'inédit. Je te l'ai dit, je suis pas du tout un collectionneur. On est complémentaires alors. Vinyle, donc toi, tu sais ça mieux que moi, c'est parfait. Encore une fois, ces deux coffrets, oui. Ceux qui sont intéressés, ils ont peut-être intérêt à les réserver, à les commander rapidement parce qu'ils n'en rééditeront pas, ça c'est sûr. Je m'en doute. Alors, savoir un peu, est-ce que ce qui va apparaître, ce qui va être diffusé dans la salle de l'Olympia, est-ce que ça verra un jour le jour en DVD ? Je crois, oui. Je crois que c'est prévu. Ils attendaient de caler la séance avec Pathé. Mais après, oui, je crois que c'est prévu, oui. D'accord. Alors, donc, j'ai une question sur les vinyles, mais vu... Peut-être que... Voilà. Le vinyle Olympia 2000 a été vendu, ou du moins a été délivré en série très limitée. C'était lors de l'achat des 40 digipacks. C'était la prime quand on a acheté les 40 digipacks en 2000, oui. Et ce vinyle-là, il y a beaucoup qui l'attendent la réédition, ce vinyle. Pourquoi il ne figure pas dans ce coffret-là ? Pourquoi je n'ai pas la réponse précise à cette question ? Ce que je peux leur dire, c'est que le 26 décembre, toujours dans cette fin d'année, va démarrer la collection Hachette, dont on a déjà parlé, qui est une collection vinyle. Et c'est dans cette collection vinyle, il y aura l'Olympia 2000, puisque en fait... pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas encore toute l'information ? C'est qu'il y a un certain nombre de petits détails qui ne sont pas réglés, qui sont en train d'être réglés, notamment, par exemple, la prime d'abonnement. Ceux qui vont s'abonner à la collection auront une prime, comme dans n'importe quelle collection. Et donc, il y a encore des discussions sur ce que sera cette prime. Donc, tant que tout n'est pas ficelé A à Z, on va prendre un peu ton titre de ton émission, ils ne communiquent pas dessus. Mais ça démarre le 26 décembre, c'est sûr. Il y a une campagne de pub à la télé qui va annoncer ce lancement. Et c'est un projet qui, aujourd'hui, comporte pas loin de 80 produits. Donc, album studio, mais 33, ce qu'on appelle 33 tours et 25 cm, oui. Mais aussi live, mm-hmm. Et donc panaché dans le temps, et donc l'Olympia 2000... Verra un jour, comme verra le jour, comme l'album Ce que je sais, comme l'album Rough Town... Absolument. Qui sont des collecteurs. Mais oui, tous vont sortir, tous. Les quatre premiers ont été testés dans trois villes de France. C'était il y avait Derrière l'amour, il y avait Rock'n'Roll Attitude, il y avait Gang et il y avait Génération Perdue. Donc, ça va être les quatre les premiers qui vont sortir. Et puis derrière, on va retrouver Lorada, on va retrouver Flacon d'Élysée, on va retrouver tous ces albums-là. Mais après, dans quel ordre ? On ne sait pas. L'ordre, alors c'est une collection sur laquelle je travaille beaucoup, puisque je suis impliqué fortement dans le livret qui accompagne, avec Thibaut, chez Frottin, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, et moi, j'ai avancé, donc je n'ai pas attendu le feu vert pour écrire, parce que sinon. T'imagines. Bon, et là, il y en a pour un moment. Tu as repris quelques notes de la collection Johnny Hallyday, collection ? J'essaye à chaque fois. De renouveler, d'être frais. De ne pas m'inspirer de choses qui existent. Et puis, si j'ai besoin d'une information, je vais la chercher, bien sûr. Mais j'essaye à chaque fois de réécrire. Bon, forcément, on se répète, c'est inévitable. Mais en tout cas, j'essaye de ne pas regarder. Et puis, par contre, je dis, si j'ai besoin d'une info, je vais la chercher là ou dans les excellents livres de Frédéric Quinanero. Toujours très, très utile, très complet. Je lui envoie le bonjour à Frédéric. Voilà, tu lui envoies le bonjour. Je connais pas, mais ses livres sont super. Il attend une petite émission tous les trois. Ça sera avec plaisir. Alors, il y a un livret, il y aura le vinyle, alors ça sera en vente dans les kiosques, mm-hmm. un peu comme tu as les Beatles là, actuellement, les Beatles sont en vente dans mm-hmm. les kiosques, et ça sortira tous les 15 jours. Et donc il y a un ordre, ce sera d'abord les albums studio, les 25, les vinyles. Le cinquième, et je crois que c'est le pénitencier qui va sortir, donc c'est à 25 cm. Oui. Ou c'est pas le cinquième, c'est le sixième. Il y a un panachage. Ce sera une alternance. Et les lives vont arriver aussi assez vite. Et donc pour l'Olympia 2000, il sera disponible dans cette collection. Bon, très bien. Dis-moi, pour revenir sur la collection Olympia, est-ce qu'un jour on va voir ce coffret au détail ? Les vinyles au détail, les CD en détail, au détail du moins ? Je ne sais pas. Sur les CD, j'ai pas idée, j'en sais rien. Les vinyles, les vinyles, ils vont sortir dans la collection Hachette. Donc, Les vinyles qui sortent, les vinyles Musicorama qui sortiront aussi dans la collection Hachette Normalement, s'ils font tout ce qui est prévu, on va tous les retrouver, oui. Alors, pas les quatre versions de l'Olympia 107, bien sûr. L'Olympia 102, il y en aura une. En gros, la version de 2003, toi, en quelque sorte. Probablement. Bon, on n'est pas encore entré dans ce type de détails, mais il faut déjà lancer la machine, et c'est une lourde machine. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi pour les auditeurs, c'est de savoir si ce coffret Olympia se verrait au détail pour 2020. C'est une bonne question. C'est probable, bien sûr. Quand on a déjà une collection assez avancée, des fois, il peut uniquement intéresser quelqu'un d'avoir l'Olympia 72, par exemple. Celui-là, c'est sûr que c'est un vrai collecteur. Voilà, c'est pour ça. Et Dieu sait si... Bon, je suis content que ça sorte parce que... On avance. Déployer beaucoup d'énergie. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas l'intégralité, bien sûr. Tiens, tout à l'heure, tu me disais que dans le Digipack Olympia, il y aura deux CD. Il y aura des extraits. Et aussi, donc, l'Olympia 102 dedans. Il y aura un DVD. Il y aura le DVD de l'Olympia 102, oui. Voilà. Ouais. Et j'ai un auditeur qui m'a demandé, sachant que l'Olympia 64 a été diffusé à l'époque sur la deuxième chaîne de l'ORTF, mais que les bandes semblent introuvables, pourrait-on, avec des recherches poussées, espérer retrouver cette captation télévisée ou sur d'autres sources vidéo de ce show? Moi, je ne sais cette réponse. Voilà. Ça n'engage que moi. Et je vais lui répondre non. Mais ça n'engage que moi. Et peut-être des miracles sont possibles, Au moins, on sait que c'est ça existe. Un des fantasmes, c'est le Palais des Sports 67, dont il existe une vingtaine de minutes. Mais... Oui, 67, on sait aussi qu'il y a 71. On ne le verra pas. Il n'existe pas. Alors, voilà. 72, Johnny Circus, encore moins. À Johnny Circus, il y a quelques images qui ont été diffusées, mais il n'y a jamais eu de... Ce qu'on peut espérer, c'est qu'un jour, il y ait un accord du même type que celui qu'il y a eu avec Europe 1, avec RTL, qui prend un peu le relais à une certaine époque. Et donc RTL a fait deux émissions sur le Johnny Circus. Ils ont transmis la première de Chantilly, tard le soir, parce que ça avait débuté très tard. Et il y a eu une autre émission avec Julien Clerc comme animateur. Donc si RTL, je pense que c'est une grande radio, doit pouvoir retrouver ses bandes. Peut-être qu'un jour, elles pourront être exploitées. Mais pour ça, il faut un accord qui aujourd'hui n'est pas l'ordre du jour. Là, RTL, ils ont beaucoup à faire parce qu'ils sont partenaires, je crois, de Johnny et ils sont partenaires des Vieilles Canailles. Donc, à coup sur coup, parce que donc, les Vieilles Canailles, ça sort le 8 novembre. Le 8 novembre, tout à fait. C'est bientôt. C'est le concert de 2017, de Bercy 2017. Donc, un des tout derniers de Johnny. C'est vrai que quand j'évoque ça, moi, je l'ai vu au Matmut. Également, moi aussi, j'y étais. Donc, c'était, je crois, un samedi 1er juillet. Puis après, il y en a eu deux autres. Et puis, voilà. Malheureusement, l'histoire s'est terminée. Mais on avait passé une bonne soirée au Matmut. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai encore des archives. J'ai des archives de ce concert-là. Tiens, justement, revenant à l'Olympia, on parlait tout à l'heure des duos. Voici un peu trois duos qu'on va retrouver sur ce coffret CD et en même temps sur le vinyle spécial duo. Junaïda avec Patricia Cass. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Tu sais toute la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient de plus. C'est pas nul, don't be lame. C'est pas nul, she's my babe. C'est pas nul, don't be lame. C'est pas quelques duos, vous avez entendu donc Johnny avec Patricia Cass, Eddie Mitchell et Pascal Obispo. Tiens, si on écoutait un autre titre de l'Olympia, mais en 1966 cette fois-ci, c'était « Je me suis lavé les mains dans une eau sale ». C'est pour toi. C'est pour toi. Je suis né dans une ville où mon père fut en prison. Ah, je me souviens quand il disait oh, oh, oh, sois sage mon fils, il ne t'arrivera rien. Je ne veux pas que tu connaisses étant des chiens sur ton dos. Et mon fils de te trouver oh, oh, pleurant de rond contre quatre murs gris. J'ai mis les mains dans une eau sale, j'ai mis les mains dans la rivière, où coule le crime et la misère. Je me suis lavé les mains dans une eau sale, j'ai essayé de travailler, j'étais même bon ouvrier. Mais la vie pour qui je vivais ne se contentait plus d'un ouvrier. Un matin, au ciel trop lourd, accompagné de trois bourriens, nous avons fait un coup pour rien. Les poches pleines de mine, nous avons couru. J'ai mis les mains dans une eau sale, j'ai mis les mains dans la rivière, au bout le crime et la misère. Je me suis lavé les mains dans une eau sale, hey, je me suis les mains dans une eau sale, j'ai mis les mains dans la rivière, au bout le crime et la misère. J'entends les chiens qui courent dans mon dos. J'entends le bruit des chiens qui courent dans mon dos. J'entends le bruit des chiens qui courent dans mon dos. Yeah! Johnny Hallyday en 1966, Musicorama du 10 d'octobre 1966. Oui. Et là, on va écouter tout de suite Olympia. On fait un bond dans le temps. Olympia, ça, c'est 2000. Mais c'est le principe du double CD qui va sortir. Donc, et Je suis en la rue et sera le titre d'ouverture de ce projet. Donc je répète que c'est un double CD avec un DVD. Que le DVD qui sort le 6 décembre, c'est l'Olympia 62. et les duos de 2000. Parce que j'ai un ami qui m'envoie un message qui n'avait pas tout à fait saisi, donc je redis ce qui sort c'est le 6 qu'il faut faire. Ce qui est différent du DVD de Coffret Olympia. De toute façon, le podcast sera bientôt disponible, cette émission. Hein. Rassurez-vous, vous pourrez vous le repasser en boucle. Voici Johnny Hallyday, Olympia 2000, Je suis né dans la rue. Moi, Jean-François, moi, quand j'écoute ça, j'ai envie d'écouter la suite. Oui. Mais je crois que là, il se fait tard. Je retourne. On n'aura pas le temps. Je suis dans la rue. Ouais, c'était déjà le titre d'introduction à l'Olympia en 73 et en 72, par exemple. Oui. Et j'en profite pour cette Olympia 72 qui nous a donné tant de fil à retordre, remercier quelqu'un qui s'appelle Patrick Renassia, que beaucoup de gens connaissent, beaucoup de fans connaissent, qui nous a beaucoup aidé à réunir tout ce matériel pour 72. Voilà. C'est super. Je devais le faire et je l'ai fait. C'est un beau travail. On parlait hors antenne un peu donc des accords qu'on a avec Europe 1, et si on parlait un petit peu, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le 69, sur le livre disque que nous. Je dirais rien parce que rien n'est fini et que c'est en construction. Mais on peut en déduire certaines choses. À partir du moment où tu as un accord avec Europe 1 et que tu as les bandes d'Europe 1, tu vas pouvoir utiliser un matériel que tu n'as jamais pu utiliser. Voilà. Donc ils feront mieux. Et l'année 2020 est aussi synonyme des 50 ans de l'album Vie. Oui, j'espère. Alors, à titre personnel, comme c'est un album en plus que j'adore, j'espère qu'il y aura un livre disque sur Vie. Mais j'en sais rien. Rien n'est arrêté pour l'année prochaine. Ça, c'est vraiment un souhait que je partage avec la personne qui t'a posé la question. Bien sûr. Et cette personne me demande, existe-t-il des inédits de l'album Vie? On verra. On travaillera dessus. On fera tout pour chercher. Enfin, pas moi. Ce que j'aimerais bien, toi, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de. Je connais pas le contenu de toutes les bandes d'Europe 1. S'il y a un enregistrement de la tournée, des tournées 110 et tout. Oui, ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup parce qu'il y a des concerts absolument formidables. Je sais qu'il y a des. Il y a bien sûr le fameux. Il y a le fameux Barcarès de 70, ça, celui-là. Il y a ça, tout à fait. Il y a aussi au Canada, quand Johnny a fait une tournée au Canada, la télévision qui avait diffusé ou voilà, donc il y a sûrement des concerts. Mais il me semble qu'il y a. Je crois, mais je peux me tromper, qu'il y a un Cambrai 70 qui existe, me semble-t-il, mais encore une fois, je peux me tromper. Et il y a notamment un titre. Qui est jamais sorti en live et qui faisait formidablement bien, je trouve bien mieux qu'en studio, c'est Jésus-Christ. Oui. Et les versions live que j'ai pu entendre dans ces années-là de Jésus-Christ sont vraiment excellentes. Europe 1 avait diffusé, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a une quinzaine d'années, ils avaient rediffusé les Musicorama, quelques extraits du Musicorama, et diffusé ce fameux Musicorama où il chantait Jésus-Christ d'excellente qualité. C'était Brialy qui présentait ça. Exactement, tout à fait. Brialy, oui. C'est ça. Et donc, vu que tout est ouvert avec Europe 1 maintenant, vu qu'il y a les accords, eh bien voilà, un titre. Voilà, les fans peuvent espérer, et moi aussi j'espère d'ailleurs, parce que j'aimerais bien entendre ça. C'est un Musicorama. Mais c'est pas un Musicorama Olympia, donc oui. Donc voilà, on peut s'attendre à plein de choses. Les accords sont ouverts. Il y a un accord avec Europe, donc avec Europe numéro 1. Donc voilà, ça va permettre de faire des choses, bien sûr. Super. Mmh. Tiens, si on écoutait un autre extrait, mais Johnny, on va dire symphonique, Parc des Princes 2003. Qu'est-ce que t'as prévu sur Parc des Princes 2003? Ce sont ces titres, Jean-François, ce sont les tiens que tu as proposé. Vivre pour le meilleur, peut-être. C'est ça, vivre pour le meilleur, tout à fait. Oui, c'est un petit fétiche, oui. On l'écoute tout de suite. Vive pour Meyer, Junaïd, en l'an 2003 au Parc des Musique Princes. Musique de David. David qui sera avec sa mère, Sylvie, qui y est d'ailleurs ce soir au Grand Rex. Et moi, demain, ce soir, je vais au Grand Rex. Les gens qui cherchent la lumière en pleine nuit. Et les gens qui courent après l'amour et qui le fuient. Les bras qui se lèvent pour un dieu qu'ils ne voient pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Vivre pour le meilleur, se vouloir pour tout se donner, le riche de ne rien garder. Que l'illusion d'attendre un signe. Des femmes qui pleurent leurs enfants, mais restent dignes. Toi tu me rends plus fort chaque jour, sans Dieu ni loi. Et quand nos corps se font l'amour, je sais pourquoi. Thank you. John Hayday, on va dire version symphonique au Parc des Princes en l'an 2003. Pour ses 60 ans. Exactement, pour ses 60 ans. J'y étais, et toi aussi je suppose. Ah oui. Non, c'est vrai que je ne loupais pas les 15 juin. Je ne loupais pas, j'en ai loupé, hein. Ouais, c'est 70 ans. Ouais, c'est pas ma soirée préférée, hein, les 15 juin. Les 15 juin au Palais des Sports. Non, c'est vrai que... Et en plus, avec les duos qu'on retrouvait, non, c'était... Ah bah, c'est duo made in TF1. C'est ça. 2003, ouais. le niveau des duos a baissé un peu graduellement, parce que pour ses 50 ans, c'était vachement bien. Au Stade de France, c'est une référence. Il y avait quelques duos qui étaient pas mal, mais après, en 2003, il y avait Jennifer, Isabelle Boulay, Natacha Saint-Pierre. Oui, c'est parce que ça tournait un petit peu, hein, des fois, dans différentes villes de la ville, ça tournait. Isabelle Boulay, elle faisait le duo sur J'oublierai ton nom, oui. Enfin bon, c'était moins... On les oublie, oui, parce que oui, même... Mais je me posais, toi, je cherchais le duo sur scène que j'avais préféré, alors sur disque. C'est le duo qu'il a fait avec Mallory, la prison des orphelins. Alors là, le podcast Insolitude m'a vraiment donné l'occasion de parler de ce travail avec Michel Mallory. Et puis, mais sur scène, je pense que c'est Excuse-moi partenaire avec Eddie Mitchell. On parle des Princes en 93. Oui. C'est vraiment un super duo. Moi, pour moi, les meilleurs duos qu'il ait pu faire, Johnny, c'était avec Eddie Mitchell. Alors, ils ont deux voix vraiment qui s'associent très très bien. Que ce soit sur des chansons d'Eddie ou sur des chansons de Johnny. D'ailleurs. Que ce soit l'une ou l'autre, tout à fait. Ou des rock'n'roll comme Bebop ou la autre. Oui. Mais parfois, bon, toi par exemple, sur la musique que j'aime, je ne trouve pas qu'Eddie soit formidable. C'est pas le meilleur. Je préfère sur Excuse-moi partenaire. Je trouve que là, la complémentarité des deux voix est totale. Surtout que là, il s'amuse. En plus, son morceau, il s'amuse bien. Et puis, il y avait Paul Persson aussi qui était là en bass guitare. Putain, partez, je trouve formidable le dernier disque de Paul Persson. Pas quelque chose qu'on entend beaucoup, qui diffusait beaucoup. Mais je trouve qu'il a fait un très bon disque. Il va faire l'Olympia là, bientôt, j'ai vu. Et c'est vraiment un bon disque. Je ne l'ai pas encore écouté, mais. Tu devrais. Je m'invite à l'écouter. Voilà. Non, j'avais passé du Paul Persson cet été. Barjolande, j'avais passé par exemple. Barjolande. Un très beau morceau live. Ouais. Il y a un extrait live qui est excellent. Il joue là, dans les Olympias, dans les duos, il est sur le bon temps du rock'n'roll. Oui, c'est très très bien. Encore un titre qu'on va écouter juste avant de fermer la page de cette émission, Johnny de A à Z. J'aimerais finir par un titre qui m'a donné la chair de poule. Ah, il y en a encore deux. C'est Et maintenant, la reprise de Becco, donc en 2009. Et juste avant, on va écouter, si tu veux bien, Poème sur la 7e, que tu m'as demandé. On enchaîne les deux. Labo, Beethoven, Delanoë, Becco, que des grands noms. On y va. Qui a couru sur cette plage? Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? Et j'aurais bien aimé toucher du sable, une seule fois, entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne? Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Allez, dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Allez. Ne vous moquez pas de moi. Et qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer?

plus rien. Ainsi achève cette émission Johnny de A à Z avec mon invité de ce soir, Jean-François Chenu, qu'on retrouvera prochainement dans cette émission. Avec plaisir. Bonsoir à tous tes auditeurs. Et en tout cas, on a passé un bon moment ensemble. Et on se donne rendez-vous certainement pour de... Une nouvelle aventure, bien sûr. Et peut-être un podcast 51 qu'on viendra faire chez toi. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est une bonne annonce, c'est une nouveauté. Je ferai ça avec plaisir. Merci Jean-François de nous avoir éclairé sur, sur tous les petits points, toutes les sorties qu'on va avoir pour cette fin d'année. Donc rendez-vous à l'Olympia le 1er décembre. Voilà. Merci à vous. Bye. À bientôt Jean-François. Bye. Bonne fête. C'est un peu tôt pour le dire, mais ouais. Je pense pas qu'on se voit d'ici là, mais on se contactera entre temps. Sait-on jamais. À très bientôt. Merci encore à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Bonne nuit.